On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 40 ans, les États-Unis traversaient une des plus grosses crises institutionnelles de leur histoire, liée au scandale du Watergate. Franck Ferrand revient sur cette grande affaire contemporaine. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai demandé à André Caspi, grand connaisseur de la vie politique américaine, d'être à nos côtés cet après-midi pour nous aider à démêler les chevaux très compliqués de cette affaire, de cette sombre affaire. Manifestation du quatrième pouvoir aux États-Unis, celui de la presse. Cette affaire, je vais d'abord essayer de vous la résumer, bien entendu. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'une auditrice posée sur la page Facebook de l'émission. Oui, Sophie nous demande pourquoi on dit que la couleur verte porte malheur. Alors, j'ajoute tout de suite, malheur dans le monde du théâtre, Sophie. Heureusement que le vert porte pas malheur comme ça, a priori. C'est assez spécifique. Je ne sais pas quelle était la couleur des combinaisons des plombier, entre guillemets, de l'immeuble du Watergate, le fait est qu'elle n'aura pas porté chance au président Nixon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voici sans aucun doute le plus extraordinaire des romans feuilletons de ces 50 dernières années. Un scénario digne de ces grandes séries télévisées dont les États-Unis possèdent les secrets, vous savez. Un feuilleton qui commence par l'enquête de deux jeunes journalistes et qui va finir par la démission de l'homme le plus puissant de la planète. Évidemment, ça donne le vertige. Ça commence à peine 5 mois avant l'élection présidentielle de 1972, exactement le 17 juin 1972. Il est 1h du matin, donc on est en pleine nuit à Washington, bien entendu, dans l'immeuble où siège le Parti démocrate. À l'époque, le Parti démocrate est dans l'opposition, puisqu'on est à l'époque de l'administration Nixon, un immeuble futuriste aux tarifs exorbitants, le Watergate, donc, si on devait lui donner une traduction française, aux portes de l'eau, si vous voulez, l'immeuble est en effet au bord du Potomac. Un gardien, cette nuit-là, durant sa ronde, va remarquer que 2 portes ont été forcées. Alors, il alerte évidemment les autorités compétentes, la police intervient tout de suite, elle arrête 5 hommes, flagrant délit, dans les locaux du parti. À 9h du matin, ce 17 juin 1972, une première dépêche indique que 5 hommes équipés d'appareils électroniques et photographiques ont été arrêtés au petit matin dans un local du Parti démocrate où ils étaient entrés par effraction. Bon, a priori, ça peut passer pour une petite nouvelle. Alfred Lewis est un vétéran qui, depuis 35 ans, suit les affaires de police pour le Washington Post. Il fait son travail, il appelle le chef du service local du journal. Et en vérité, il va découvrir un lièvre, ce Lewis. Il est habitué, il est coutumier du fait. Lewis, raconteront plus tard nos deux journalistes, est une sorte de légende vivante dans le monde journalistique de Washington. Mi-flic, mi-reporter, il porte souvent le blouson bleu réglementaire de la police métropolitaine, boutonné sur une ceinture à boucles de bronze en forme d'étoile de David. Il joue un peu au shérif, quoi. Vous voyez, on imagine bien un personnage de film, évidemment. En quoi consiste l'information transmise par Lewis? Eh bien, ce n'est quand même pas n'importe quel local du Parti démocrate qui a été cambriolé. C'est le siège central du parti. Et parmi les 5 hommes, 4 seraient d'origine cubaine. Alors aux États-Unis, dès que ce mot-là est prononcé, tout le monde tend l'oreille, bien entendu, surtout à l'époque. Ils ont été arrêtés à 2h30 du matin à l'intérieur du QG du Parti démocrate. Ils portaient des gants de caoutchouc extrêmement fins, quand même assez peu coutumier, des gants de chirurgie si vous voulez, afin de ne pas laisser d'empreintes évidemment. Et ce qu'ils avaient sur eux est assez édifiant. Un talkie-walkie, 40 rouleaux de pellicule vierge, 2 caméras de 35 mm, des pinces Monseigneur, des lance-gaz lacrymogènes de la taille d'un petit stylo, alors là on arrive dans le monde de James Bond, des micros performants capables de capter les conversations téléphoniques et les échanges dans une même pièce, de fortes sommes d'argent aussi, hein, plus de 2 000 $ de l'époque. Avouez que tout ça n'est pas banal évidemment. Or Lewis ajoute que, toujours selon ses informations, l'un des hommes arrêtés avait l'air de connaître parfaitement les lieux. Tous les 5 avaient loué des chambres d'hôtel, en fait les chambres de l'hôtel qui occupe le tout dernier étage de l'immeuble du Watergate. Dernière information, les 5 hommes doivent comparaître ce 17 juin en début d'après-midi devant le tribunal local pour une audience préliminaire. Bon, avec de telles informations, il est tout à fait naturel que le Washington Post, qui se trouve sur place, envoie 2 journalistes assister à la fameuse audience. Ils sont jeunes, les journalistes en question, ils appartiennent au service des faits divers, parce que pour le moment, les fractions commises contre le local du Parti démocrate entrent encore dans la rubrique des faits divers. Leurs noms, oh, vous les connaissez évidemment, Bob Woodward et Carl Bernstein. Comme ces 2 petits journalistes vont devenir les personnages centraux de l'affaire, il faut peut-être que je vous en dise un tout petit peu plus sur eux. Bob Woodward est un ancien étudiant de l'université d'Yale, ancien officier de marine. C'est un jeune homme de bonne famille, un petit peu, il a un léger côté dilettante, amateur de mondanité et de conversation de salon. Un journaliste assez spirituel par ailleurs et qui a la réputation, disons-le, d'être snob et de ne pas très bien maîtriser l'écriture. Carl Bernstein, alors c'est très différent, lui a commencé sa carrière dans la presse dès l'âge de 16 ans en devenant garçon de copie au Washington Star. À 19 ans, il a trouvé un emploi à plein temps comme reporter au Poste, où il rédige de nombreux articles sur les délits de droit commun de plus ou moins grande importance, plutôt moindre que grande. Il est également passionné de musique classique et de musique rock. En fait, c'est un petit peu Danny Wilde et Lord Brett Sinclair, si je puis dire, les 2 personnages. Ils sont très différents sur tous les plans. À 15h30, ce 17 juin 1972, les voilà donc, nos 2 jeunes compères qui entrent au tribunal pour assister à cette audience préliminaire. Le procureur s'appelle Earl Siebert. Il estime que les personnes arrêtées la nuit précédente par la police sont des professionnels et donc il n'a pas l'intention du tout de lâcher l'affaire. Le juge Belsen demande leur profession et l'un répond qu'il est anticommuniste. Ça commence fort. Les 3 autres approuvent chaudement. Le 5e, qui s'appelle James McCord, dit être conseiller en matière de sécurité. Ça commence à devenir sérieux, cette affaire. Et il ajoute qu'il est même carrément conseiller à la CIA. Woodward réagit au quart de tour. Il sort du tribunal en courant sans que l'autre ait même eu le temps de le rattraper. Et il est déjà en train de courir vers le Washington Post. Rencontre entre Woodward, Alfred Lewis, Howard Simons. Simons, c'est le directeur de la rédaction du Washington Post dans les heures qui suivent, vous pouvez bien l'imaginer. Il est décidé qu'un article va paraître à la une dans l'édition du lendemain qui se trouve être un dimanche. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la vente des journaux, j'allais dire double, mais quasiment triple le dimanche. Ce sont les espèces de gros journaux du dimanche là qui pèsent 1 kilo. Le Washington Post renforce le nombre de journalistes sur l'affaire aussitôt. Ils vont être 8 à collecter tout ce qu'ils peuvent trouver sur ce qui commence à devenir déjà l'affaire du Watergate. Ça a été très rapide. Et ce dimanche 18 juin, en première page du Washington Post, il y a un article avec la signature de Lewis sur cette affaire. Je vous cite un extrait de l'article en question. 5 hommes, dont l'un se dit ancien membre de la Central Intelligence, enfin de la CIA si vous voulez, ont été arrêtés hier à 2h30 du matin au cours de ce que les autorités définissent comme une tentative soigneusement préparée d'espionnage au bureau du comité national du Parti démocrate à Washington. Rien n'explique pour l'instant dans quel but les 5 suspects voulaient poser des écouteurs au siège du comité national du Parti démocrate. Rien n'indique non plus s'ils travaillaient ou non pour le compte d'un tiers ou de quelque organisation. Bien sûr qu'on peut pas extrapoler dans ces affaires, mais enfin, vous imaginez bien qu'ils sont pas venus pour leur propre intérêt, ces gens-là, probablement. Pas un mot sur le fait que les républicains aient pu ou non jouer un rôle dans cette affaire, on ne l'imagine même pas à l'époque. Et d'autant moins que la convention démocrate doit avoir lieu moins d'un mois plus tard, que le président Nixon est très en avance dans les sondages, il a presque 20% d'avantage sur tous les autres candidats possibles. On peut dire que 1972 est une période difficile pour le parti démocrate et que tout va bien pour les républicains. Le Washington Post a plus d'une longueur d'avance sur cette enquête, voilà ce que nous dit André Caspi. Le Washington Post a l'air insolide, le goût de l'indépendance, des inclinations vers le libéralisme, une rédaction expérimentée à la tête de laquelle siège Ben Bradlee. Attention à la géographie. Le Washington Post n'est pour autant pas le seul défenseur de la vérité en marche. Le New York Times, le Los Angeles Times sont aussi attachés que lui à la défense de la loi et à la protection des faibles. Dans l'affaire du Watergate, le Washington Post jouit de sa position géographique. Il est sur place, il dispose d'un réseau d'informateurs et n'hésite pas à confier le reportage à deux journalistes, obscurs pour le moment, mais débordant d'initiative, Carl Bernstein et Bob Woodward. Grâce à eux, grâce à la direction du journal qui publie leurs papiers, le scandale n'est pas étouffé, leurs découvertes sont littéralement extraordinaires et doivent beaucoup à Deep Throat, gorge profonde, un informateur bien renseigné et bien disposé. Leur idée de départ repose sur le bon sens. La pose des micros dans le Watergate résulte, croit-il, d'une volonté politique. Il doit exister un lien entre le CRP et l'affaire, mais avant de l'affirmer, encore faut-il le prouver. Le CRP dont parle André Caspi, c'est le très puissant comité pour la réélection du président Nixon. Extrait de la bande originale du film Nixon, réalisé par Oliver Stone et sorti en 1995. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'enquête du Watergate. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'affaire du Watergate. Au Washington Post, Woodward et Bernstein continuent leur enquête. Notamment, ils s'intéressent beaucoup au cinquième homme de la petite bande, là, qui s'appelle McCord, et sur lequel est parue une dépêche de l'Associated Press, qui révèle qu'il serait membre du fameux comité pour la réélection du président, là, du CRP. Donc, on s'interroge sur lui. Les voisins le décrivent comme quelqu'un de tout à fait tranquille, intègre, mais ordre et discipline sont ses maîtres mots, disent-ils. On le présente comme une sorte de fonctionnaire modèle, si vous voulez. Grâce à cette enquête de voisinage, Woodward découvre surtout que McCord est lieutenant-colonel d'une unité spéciale de réserve basée à Washington et rattaché au bureau des préparatifs d'alerte. Alors au Pentagone, on explique que cette unité consiste à dresser la liste des militants extrémistes de gauche et à préparer des plans de censure qu'il faudrait, en cas de guerre, appliquer sur les mass médias et sur le courrier. Bon, ça commence quand même à faire beaucoup de bruit. Il faut que le président fasse une déclaration. Il va le faire dès le 22 juin. Le président Richard Nixon déclare « La Maison-Blanche n'a aucune part dans cet incident précis ». Et il pense bien que le feu va désormais s'éteindre assez vite. Ça, c'était compté, ou plutôt c'était sans compter, avec le Washington Post tellement influent, tellement infiltré. Après s'être intéressé aux cambrioleurs, les journalistes vont s'occuper un peu de leur compte en banque. Le 22 juillet 1872, Woodward apprend que sur le compte d'un des cinq suspects, une grosse somme d'argent a été découverte, $25,000, en provenance du Mexique. Et très vite, Woodward et Bernstein apprennent d'où vient cet argent. Le chèque aurait été signé par un des dirigeants de l'équipe de campagne de Nixon en 1958. Là, ça se précise. À ce stade, il nous faut remonter un tout petit instant sur la loi relative au financement des campagnes électorales américaines. La loi de 1961, elle interdit aux partis politiques américains d'accepter des contributions anonymes de provenance inconnue. Alors, avant que cette loi ne passe, un des dirigeants du fameux CRP a lancé une ultime collecte dans le sud-ouest du pays avec un conseil en prime. Ceux qui souhaiteraient conserver l'anonymat peuvent continuer à faire transiter leurs dons sur le compte personnel d'un Mexicain. Il n'y aura pas de contrôle de vérification des autorités américaines, vous pouvez leur faire confiance. C'est ainsi que certains dons de sociétés ou de groupes proches de la mafia, notamment, ont pu être perçus. Et que, quelques jours plus tard, l'argent est donc renvoyé à chaque fois aux États-Unis sur un compte personnel de quelques membres discrets du Parti républicain. Par exemple, $99,000 ont ainsi été découverts sur le relevé bancaire de Bernard Barker, mais ce sont des sommes en fait bien plus importantes qui ont été comme cela blanchies par le CRP. Harvey. Woodward et Bernstein s'interrogent sur tous ces procédés. Les découvertes s'accumulent en vérité contre le Parti républicain, entrée par effraction au siège du Parti démocrate, tentative d'espionnage, fraude financière, etc. Évidemment, la nasse se resserre autour de l'équipe présidentielle et autour du président lui-même. Alors, qui est-il ce président, investi en tant que 37e président des États-Unis le 20 janvier 1969. Richard Nixon, vous savez, est un vieux routier de la politique. Hein. C'est un homme qui... c'est un self-made man, comme on dit. Il a, pendant son enfance, sa jeunesse, aidé ses parents dans leur petite boutique et toute sa vie n'a été faite que d'efforts, d'activisme, de travail. En mai 72, le président Nixon est l'homme, certes, le plus puissant de la planète. Il est au sommet de la gloire. Cet homme-là a sorti l'Amérique du cauchemar vietnamien. Il a associé son nom au premier pas sur la Lune. Il a amorcé la détente Est-Ouest, le désarmement avec l'Union soviétique. Tout ça, c'est un peu Kissinger, mais enfin, on y reviendra. Il a même renoué le dialogue avec la Chine populaire. D'autant plus remarquable tout ça que son mandat, il faut pas l'oublier, a commencé en pleine période d'opposition à la guerre du Vietnam, de contestation du modèle de la société de consommation, etc. Richard Nixon a su, avec ce qu'il faut bien appeler un incroyable savoir-faire, il a su désamorcer cette crise profonde de la société américaine, ce qui fait qu'à l'intérieur, il a, disons, calmé, adouci l'espèce de révolte qui était en train de monter, qui était en train de bousculer sérieusement la société américaine. Et puis à l'extérieur, il a offert de nouveaux horizons américains. Sa popularité est donc à la hauteur de son charisme. Il a eu la chance aussi, si je puis dire, d'être le président de la conquête lunaire. Hein. Après tout, il est arrivé là pour cueillir les lauriers. C'est l'élection donc de novembre 1972 est un véritable triomphe. Il est doit être en tout cas. Il est un candidat imbattable en apparence. Il est persuadé que sa victoire d'ailleurs va balayer ce petit scandale de l'affaire de l'immeuble du Watergate. Il est loin encore de se méfier de ces espèces de deux petits journaleux du Poste là qui ont l'air tellement mordants. Woodward et Bernstein travaillent ensemble maintenant depuis 6 mois. Au départ, il faut vous dire qu'ils se méfiaient l'un de l'autre, mais ils s'apprécient maintenant de plus en plus. Woodward écrit plus rapidement, mais le style de Bernstein est meilleur et il reprend très souvent la copie, si vous voulez. Voilà ce que nous dit Martin Sebir, ce qu'il écrivait dans l'Histoire en 1979. Devant l'intérêt croissant que suscite en eux l'affaire du Watergate, devant l'importance des découvertes qu'ils font, devant le risque que cela entraîne également, les deux jeunes gens sentent qu'il leur faut absolument continuer de travailler en équipe. Aussi mettent-ils toutes leurs informations en commun et signent-ils leurs articles ensemble. Dans le milieu de la presse, on va bientôt les surnommer Woodstein, la moitié du nom de chacun. Ils deviennent comme possédés, si l'on peut dire, par cette affaire du Watergate, et comme ils vivent seuls tous les deux, ils restent au siège du journal tard dans la nuit, ils y passent même parfois la nuit entière. Et la pression de la Maison Blanche est à la hauteur du danger qu'on commence à subodorer. Il faut absolument étouffer le scandale du Watergate du point de vue du pouvoir. Un bureau spécial a été constitué sous la direction de Patrick Buchanan en personne pour surveiller les principaux journaux, agences de presse, les chaînes de télévision, etc. Il n'empêche que le scandale du Watergate continue à prospérer et toute la presse américaine maintenant s'en fait écho. Et le 8 janvier 1973 va s'ouvrir le procès des 5 plombiers, si je puis dire, et de 2 de leurs commanditaires. McCord va à ce moment-là céder sous la pression. Il dévoile à la barre les activités illicites du CRP. Ça oblige le Congrès à créer une commission d'enquête spéciale qui va être gérée par un sénateur, le sénateur Sam Ervin. La commission commence à siéger le 17 mai et après quelques interruptions, elle terminera ses travaux au début du mois d'octobre. Dans le passé, un certain nombre de commissions créées par le Congrès ont comme ça servi à débusquer les gaspillages du gouvernement fédéral, un certain nombre de réseaux de gangstérisme, des infiltrations communistes, etc. La Maison Blanche a tout lieu de s'inquiéter des conclusions de celle-ci, ce qui fait que Nixon décide de réagir. Le 30 avril 1973, il prononce une allocution télévisée pour faire savoir que ses plus proches collaborateurs vont démissionner et l'on voit, ça commence à sentir singulièrement le roussi, on voit Dean, on voit Ehrlichman, on voit Alderman qui ensemble vont démissionner, vont devoir quitter la Maison Blanche. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes avec vous, Franck Ferrand, en plein cœur du scandale des Watergate. Oui, alors le Congrès a donc créé, je vous le disais, cette commission spéciale. Le président Nixon a réagi en annonçant la démission de plusieurs de ses proches collaborateurs. Le 31 juillet 73, tout va se jouer. Hein, la grosse crise, elle va se jouer pendant l'année de l'été 73 à la fin de l'été 74, en vérité. Et il y a le 31 juillet ces fameuses révélations d'un représentant de la sécurité de la Maison Blanche qui dévoile un peu par inavertance, en parlant d'autre chose, mais il dévoile l'existence d'enregistrements d'un certain nombre de proches du président. C'est-à-dire que là, on découvre que le président Nixon espionnait des gens dans ses propres bureaux. Vous imaginez, le New York Times en fait sa une. Le Sénat va mettre en route la procédure d'impeachment. Alors voilà ce que nous dit André Caspi sur l'impeachment. Il va pouvoir nous le répéter lui-même dans un instant. Pour comprendre cette procédure, il faut commencer par lire la Constitution fédérale de 1787, écrit-il. Le terme impeachment est employé dans la section 2 de l'article 1, la Chambre des représentants aura seul le pouvoir d'impeachment. La section suivante définit le rôle du Sénat. Il juge le cas d'impeachment. Si le président des États-Unis est jugé, le Chief Justice, qui d'ordinaire préside la Cour suprême, dirigera les débats. La condamnation doit être votée à la majorité des deux tiers et entraîne la destitution du coupable, non pas sa condamnation pénale. L'article 2 souligne le caractère exceptionnel de la procédure qui s'applique au président des États-Unis et à tous les fonctionnaires civils. Dans le droit américain, tous les crimes sont soumis au jugement d'un jury, sauf ceux qui entraînent l'impeachment précisément. Là, la procédure, elle est déclenchée le 31 juillet 73, donc elle reste sans effet dans un premier temps. Un bras de fer commence entre la présidence et la justice. On réclame des dizaines d'enregistrements relatifs à l'affaire. Évidemment, Nixon s'y refuse. Les journalistes s'en mêlent, bien entendu. C'est une affaire dans laquelle la presse joue un rôle vraiment essentiel. Le 20 octobre 1973, le président va jusqu'à destituer le procureur Cox, qui était jugé trop interventionniste d'une certaine manière. Il insistait trop lourdement pour qu'on lui remette certaines bandes magnétiques. Et là, c'est une levée de bouclier, bien entendu. L'opinion réclame que le Congrès prenne ses dispositions. Ce sera fait. 84 membres de la Chambre signent une motion d'impeachment. Alors là, cette fois, elle va être prise en compte. La procédure de destitution est lancée et elle est ouverte par le Congrès le 30 octobre 1960. Dès la fin d'octobre, la motion est transmise à la nouvelle commission des affaires judiciaires mise en place par la Chambre des représentants et que va présider le redoutable Peter Rodino, qui est un démocrate du New Jersey. Là, les choses commencent à aller vraiment mal. La commission s'entoure d'une centaine d'experts, dont 45 avocats. Elle est créditée $1 million pour mener l'enquête. Le rapport qui sortira en février 1974 est un rapport absolument accablant pour l'administration Nixon. Et les derniers mois du président Richard Nixon à la tête des États-Unis seront vraiment très difficiles. À l'international, il s'enfonce dans une sorte de fuite en avant. On est en pleine guerre du Kippour en plus, et dans ses conséquences, problème énorme au Moyen-Orient, crise de l'OTAN. Les explications de Nixon ne suffisent pas. Le 30 avril 1974, il prend la parole à la télévision. On est un an jour pour jour après la démission de Dean, d'Ehrlichman et de Haldeman. Il annonce que la Maison Blanche a transcrit 46 conversations sur le Watergate, qu'il publie la transcription en un volume de 1300 pages avec le sceau officiel. Là, le président Nixon se dit cette fois, j'en ai peut-être terminé. Il me semble, si l'on lit ses propres mémoires, qu'au fond de lui-même, il sait très bien que l'affaire n'est pas terminée et qu'elle ira à son terme, cette affaire du Watergate. Bonjour André Caspi. Bonjour. Nous allons revivre avec vous toute la fin de l'affaire et puis surtout, nous allons revenir sur tous ces attendus. D'où vient qu'un tel fait divers au départ ait pu entraîner une crise de cette importance dans le plus grand pays démocratique du monde. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du Watergate avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, André Caspi, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis, auteur notamment d'un ouvrage consacré au Watergate aux éditions Complexes. Alors, pour aller au terme, si je puis dire, de cette affaire, il faut dire qu'en juillet 74, la Chambre des représentants vote la mise en accusation du président Nixon pour délit commis envers les États-Unis. Donc là, c'est un motif, un chef très très dure, la Cour suprême ordonne à Nixon de remettre à la justice un ensemble de bandes enregistrées qui avaient été réclamées par les enquêteurs et qui jusqu'alors leur avaient été refusées. Donc les enregistrements en question seront rendus publics le 5 août 1974. Ils sont extrêmement révélateurs sur la personnalité de Nixon et sur l'ambiance qui régnait, si je puis dire, à la Maison Blanche. On va y venir ensemble, André Caspi, bien entendu. Le 5 août, le président prend de nouveau la parole. Il confie avoir tout fait pour essayer d'étouffer le scandale du Watergate qui démontrait sa complicité évidente dans la fraude électorale et financière qui allait avec. Et le 9 août 1974, donc, il démissionne. Voilà ce qu'on pouvait entendre à cette époque sur l'antenne d'Europe 1. À cause de l'affaire du Watergate, je n'aurai sans doute plus l'appui du Congrès. Appui que je considère comme indispensable pour prendre des décisions très difficiles et pour m'aider à accomplir les devoirs de ma charge dans le sens des intérêts de la nation. Quand je commence quelque chose, je le termine. Abandonner mes fonctions avant que mon mandat ne soit terminé est contraire à tous mes instincts. Mais comme président, je dois faire passer en premier les intérêts des États-Unis. Voilà le président en août, président Nixon en août 1974. Il va donc se retirer. Il vivra encore 20 ans. Il mourra d'une phlébite en 1994, le président Nixon, après avoir laissé donc ses énormes mémoires. Je me rappelle avoir lu ça à l'époque. C'était assez passionnant d'ailleurs. Et on y trouve toutes sortes de renseignements très utiles à l'histoire contemporaine. Alors avant cela, revenons, si vous le voulez, André Caspi, sur les circonstances même de cette procédure d'impeachment tout à fait inhabituelle, tout à fait inusuelle. Oui, c'est une procédure qui est inhabituelle, mais comme vous l'avez rappelé, c'est une procédure qui est conforme à la Constitution des États-Unis. Elle a été utilisée déjà juste au lendemain de la guerre de sécession contre un autre président qui portait le nom de Johnson. Il ne faut pas le confondre avec le Johnson des années 60. Celui des années 60 avait pour prénom Lyndon et celui du 19e siècle avait pour prénom Andrew. Dans ce cas-là, il s'agit en somme de juger le président sur des problèmes politiques et non pas sur des problèmes qui relèveraient du code des procédures pénales. Il s'agit en somme de savoir s'il peut continuer ou non à exercer ses fonctions. Alors, il peut y avoir d'autres présidents contre lesquels une procédure d'impeachment a été demandée. Ça a été le cas en particulier pour Clinton en 1998, après l'affaire Lewinsky, mais là, la procédure n'est pas allée à son terme. Tandis que dans le cas de Johnson et dans le cas de Nixon, elle aurait très bien pu aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire obtenir la révocation du président des États-Unis. Qui préfère donc démissionner pour lui couper l'herbe sous le pied, d'une certaine manière. Oui, mais je précise une chose qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le premier président, et jusqu'à maintenant c'est le seul président des États-Unis qui est démissionné. Oui. C'est-à-dire que c'est une procédure en somme particulièrement efficace et c'est une situation exceptionnelle. C'est Nixon qui a été superbement élu, et vous l'avez rappelé, en novembre 1972, qui a bâti toute sa carrière depuis 1945 sur l'accession à la présidence, qui a enfin obtenu satisfaction en 1968 et de nouveau en 1972, eh bien voilà l'homme qui, deux ans plus tard, en 1974, est contraint à la démission. C'est un choc, c'est un choc que l'on peut dire fondamental dans les mentalités américaines. Alors, en quelques minutes, c'est toujours très complexe de résumer de telles affaires en peu de temps, mais que reprochait-on à l'administration Nixon dans cette affaire? Quels sont les faits imputé. Je pense qu'il y a deux étages d'accusation. Le premier étage, tout d'abord, c'est tout ce qui concerne l'affaire du Watergate, voilà, oui. C'est-à-dire à la veille de cette élection présidentielle de 1972, une organisation policière qui a pour but précisément d'aller fouiller dans les dossiers du parti adverse pour essayer de trouver tout ce qui peut le compromettre et tout ce qui peut au contraire donner satisfaction au candidat Nixon. C'est d'autant plus idiot, je le précise bien, que le candidat Nixon est largement en avance sur son adversaire démocrate qui est le sénateur McGovern. C'est-à-dire que il ne risque pas la défaite. Il risque simplement une victoire triomphale. Mais il a tellement peur de ce qui peut lui arriver qu'il commet cette énormité. Ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a autour de la présidence, animé par la présidence, toute une série d'activités policières qui n'ont pas simplement pour but d'espionner le Parti démocrate, mais qui ont aussi pour but d'espionner ceux qui pourraient éventuellement s'opposer à Nixon, c'est-à-dire les partisans de la paix au Vietnam, ceux qui sont plus à gauche que Nixon, ceux qui n'aiment pas les républicains mais qui préfèrent les démocrates, c'est-à-dire au fond, ça devient une sorte d'état policier. Il y a une forme de paranoïa autour de Nixon à la Maison-Blanche. Je crois qu'il y a une paranoïa, mais que c'est Nixon lui-même qui est paranoïaque. C'est ça, oui, voilà. C'est-à-dire oui. Que, en fin de compte, il a perdu les pédales. Et ce que l'on peut constater, c'est que autour de lui, beaucoup essayent éventuellement de le remettre sur le droit chemin. Henry Kissinger raconte une scène extraordinaire où Nixon, qui a un peu bu et il ne tenait pas l'alcool, Nixon a certainement divagué, mais il entraîne Kissinger à se mettre à genoux et à prier Dieu au sein de la Maison Blanche pour obtenir en somme satisfaction. C'est-à-dire que c'est un homme qui a le sentiment d'être attaqué de toutes parts. Nixon, c'est le mal-aimé dans l'histoire des États-Unis. C'est celui qui a fait sa carrière sur toutes les histoires un peu bizarres, un peu bancales, un peu policières. Il a une très mauvaise réputation. Et je dirais que c'est d'autant plus dommage que dans les années qui ont suivi sa démission, vous avez rappelé qu'il est mort en 1994, il a écrit des livres remarquables sur la politique extérieure des États-Unis. C'est un très grand spécialiste de toutes les situations internationales. Et vous savez, parmi les présidents des États-Unis, il y en a assez pas beaucoup. Rare, oui. Hein. Mais Nixon connaît impeccablement les affaires du monde et c'est lui qui, avec Kissinger, a pris l'initiative de la réconciliation entre les États-Unis et la Chine communiste. Et ça, je crois que c'est l'un des grands événements du XXe siècle, après la rupture qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui a le plus choqué, semble-t-il, les Américains, c'est tout ce qu'ils ont découvert au-delà de cette affaire d'espionnage et de toutes ces écoutes dans un certain nombre de secteurs et de lieux stratégiques. Ils se sont rendus compte que la manière même de gouverner, les attitudes du président, ce que vous racontez, ces sautes d'humeur ou d'attitude de comportement lorsqu'il buvait, parce qu'il avait quand même tendance à avoir souvent un verre de scotch sous la main, tout ça a scandalisé l'opinion, évidemment. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a porté une lumière très crue sur des couloirs et des bureaux de la Maison-Blanche qui jusqu'alors n'avaient jamais été montrés. C'est-à-dire que si on se reporte au tout début des années 60, quand on interroge les écoliers pour leur demander quelles sont les personnalités, quels sont les personnages, pas les personnalités, quels sont les personnages qui sont les plus prestigieux aux États-Unis, et invariablement, ils répondent le policier et le président des États-Unis. Ah oui. Le président des États-Unis est devenu un véritable mythe. Je ne dis pas que tous les Américains veulent être président, mais en tout cas, ils le révèrent. Depuis quand à peu près? C'est la présidence de Roosevelt C'est l'influence de Franklin Roosevelt, c'est-à-dire ça date des années, disons 1930, 1940, 45. Et alors, à ce moment-là, le président, c'est en somme le phare, c'est celui qui fait l'union entre tous les Américains. Et subitement, on s'aperçoit que ce président-là triche, que ce président-là ment, que ce président-là complote contre la démocratie. Et c'est évidemment un choc que l'on peut dire traumatologique, parce que c'est insupportable. Mais quand on revit, et pardon de raconter ça, mais il se trouve que je revois ça moi en ce moment à travers la série Mad Men, vous savez, oui, qui raconte l'histoire d'une agence de publicité à New York, et on voit l'actualité avancer à mesure des années. On se dit que ce qu'a subi la société américaine entre le début des années 60 et la fin des années 70 est hallucinant en termes de... Il y a un énorme scandale tous les ans, quasiment. Alors, il y a eu l'assassinat du président Kennedy, mais ensuite, il y a eu ceux du Pasteur frère. King, et puis du frère de Bobby Kennedy. Il y a eu tous ces... Enfin, on a quand même l'impression qu'on fait avaler aux Américains un nombre de couleuvres phénoménales. C'est-à-dire que la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, oui, ou la voilà, France, oui, si vous préférez, oui, c'est qu'en France, nous avons eu le traumatisme de 1968. Voilà. Aux États-Unis, ce traumatisme a duré 10 ans. C'est-à-dire qu'il commence grosso modo en 1962 ou 63 et il se termine avec la démission du président Nixon. C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, les Américains ont appris que leur société n'est pas la meilleure du monde, que leur politique étrangère n'est pas sans défaut, loin de là, et qu'on pouvait trouver à la fois dans les milieux politiques, dans les milieux militaires, des gens qui ne sont pas comme il faut. C'est-à-dire que c'est ça le choc. Le choc, c'est que l'Amérique n'est plus ce qu'elle voulait être. L'Amérique est devenue une nation comme les autres. Et évidemment, pour beaucoup d'Américains, c'est un choc. Et ce qui est curieux, c'est que ça n'est pas sous la présidence ô combien contestable par ailleurs de Johnson que vont apparaître un certain nombre de scandales, mais c'est bien sous celle de Nixon qui semblait devoir être celle de la réconciliation, tout allait mieux d'un seul coup. On voyait la situation s'améliorer et d'un seul coup, de nouveau patatras. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Zimmer sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Frost Nixon, réalisé par Ron Howard et sorti en 2008. Nous sommes au cœur de l'histoire du Watergate avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, André Caspi, historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis, auteur notamment d'un ouvrage consacré au Watergate aux éditions Complexe. Ce qui a rendu mondialement populaire cette affaire du Watergate, André Caspi, c'est le rôle qui a joué la presse. On a voulu y voir un symbole de liberté, de démocratie, etc. C'est un peu plus complexe en vérité. C'est-à-dire que la presse aux États-Unis, c'est, comme on dit, le quatrième pouvoir. Après le législatif, l'exécutif, le judiciaire, la presse est là pour incarner l'opinion, pour informer l'opinion et pour contrôler le monde politique. Et de ce point de vue-là, le Washington Post a tenu sa place. Mais comme vous l'avez également mentionné, le Washington Post n'est pas le seul. Il y a aussi le New York Post. Je l'ai mentionné en vous citant. Alors. Oui, mais je cite ce que vous m'avez cité. Donc, le Washington Post, le New York Times, le Los Angeles Times, tous ces journaux s'y sont mis. Mais il faut y ajouter une autre dimension. C'est que la commission Ervin, celle qui est mise en place en 1973, tient des débats qui sont radiodiffusés et une partie d'entre eux sont même télévisés. C'est-à-dire qu'on est à une époque où les médias occupent une place centrale depuis déjà quelque temps. C'est-à-dire que la formule de l'information télévisée a été mise au point au tout début des années 60. Le journal télévisé, ça dure une demi-heure. Aujourd'hui, c'est encore souvent le cas en France. À la différence de la France, aux États-Unis, la demi-heure est coupée par de la publicité. Ça fait pas une demi-heure d'information. Mais ça veut dire qu'il y a là un format qui est défini. Et en même temps, les reporters vont sur place. C'est-à-dire que tout au long des années 60, la télévision a décrit, par exemple, la guerre du Vietnam. Et elle l'a décrit en direct. Donc, à partir du déclenchement de l'affaire du Watergate, il est évident que les médias tiennent une place essentielle. Et c'est ce qui permet à tous les Américains de suivre. Si vous voulez, je pourrais, à la rigueur, évoquer un souvenir personnel. C'est que, en 1973, j'étais aux États-Unis et je me souviens très bien que beaucoup écoutaient la radio pendant leurs heures de travail, tout simplement pour se tenir au courant de ce que disaient les témoins qui venaient devant la commission Ervin. C'est-à-dire que c'était passionnant. C'est un grand feuilleton en direct, là. Mais c'est un feuilleton cauchemardesque. Eh oui. C'est-à-dire c'est un feuilleton dont on sait bien qu'il ne va pas se terminer par un grand amour et par la naissance du premier bébé. C'est quelque chose, en somme, qui atteint directement la conscience des Américains et qui contribue en somme à démolir l'idée qu'ils pouvaient se faire de leur société, de leur nation, de leur culture. Alors la retransmission télévisée de ces débats devant les commissions a joué un rôle essentiel. Ce qui a aussi beaucoup frappé les esprits, c'est l'importance des révélations faites par la presse elle-même, et ça grâce à un certain nombre d'indicateurs. Il y a eu des gens qui ont aidé les journalistes, et notamment le fameux Gorge Profonde, là, dont on a découvert l'identité en 2005. Je me rappelle, j'étais à ce même micro, ça a été un événement, ça. Oui, c'est-à-dire qu'on a attendu 40 ans pour connaître qui était Gorge Profonde. Alors, Gorge Profonde, lui, informe. Et il informe d'une voix mystérieuse, dans des endroits mystérieux, sur des questions non moins mystérieuses. C'est-à-dire que les journalistes ont besoin d'informateurs. D'ailleurs, il est évident que le Washington Post, de ce point de vue-là, est mieux placé que le New York Times ou que le Los Angeles Times, parce que c'est un journal de Washington. Mais, oui, mais... en même temps, comme il est dans la capitale fédérale, il y a des fonctionnaires fédéraux, ou en tout cas des hommes de l'ombre qui gravitent autour du président et qui ont envie de faire savoir ce qu'ils savent. C'est-à-dire que, au fond, ce sont des informateurs gratuits. On ne les paye pas. Hein. C'est-à-dire... Alors, en l'occurrence, c'était Mark Felt, donc son nom, c'était le numéro 2 du FBI. Bah oui, c'est-à-dire que c'était un homme qui avait été très déçu par la nomination d'un autre à la tête du FBI et qui par conséquent prenait sa revanche. Il faut signaler d'ailleurs à ce propos que si le FBI avait un nouveau chef, c'est parce que son chef traditionnel, J. Edgar Hoover, est mort le 2 mai 1972. Dans son sommeil. On a presque envie de dire comme par hasard, c'est-à-dire quelques semaines avant le début. Hein. Exactement, et que ce même Hoover était à la tête du FBI depuis 1924. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1924-1972. Un demi-siècle. De... Autrement dit, il avait des dossiers sur tout le monde, y compris sur Nixon d'ailleurs. Nixon avait beaucoup de respect pour lui et beaucoup de crainte, puisqu'il Hoover tenait des dossiers, et par conséquent, la succession de Hoover a donné automatiquement lieu à une sorte de bataille interne qui explique évidemment la démarche de Deep Throat. Alors Deep Throat, c'est aussi le titre d'un film érotique, mais érotique ou pornographique, comme vous voudrez. Même, oui. Comme vous voudrez. Donc c'est une sorte d'expression qui permet de cacher l'homme qui dénonce. Oui, bien entendu. Alors cette affaire du Watergate, vous nous disiez, ne pouvait pas bien finir, c'est vrai. Elle s'est un peu terminée en queue de poisson, d'une certaine manière. On ne peut pas dire que les conclusions en aient été extrêmement majestueuses, en fait. Hein, tout ça, c'est fini. Il y a eu la démission du président. Ça n'est pas la fin de l'affaire du Watergate, ça, non. Puisque ça continue quand même. Je dirais que ça s'est terminé d'une façon... plus ou moins satisfaisante. D'abord parce que Nixon a démissionné. Son successeur, c'est le vice-président qui est Gerald Ford. Je précise au passage que Gerald Ford était devenu vice-président quelques mois auparavant. Parce que le vice-président en titre... Il n'a pas été élu sur... Oui, c'est ça. A dû démissionner lui-même pour un scandale qui le concernait. Donc ça veut dire qu'au même moment où il y a l'affaire du Watergate, il y a aussi l'affaire du vice-président. Et le vice-président est donc obligé de partir, c'est Gerald Ford qui lui succède, et c'est Gerald Ford qui va de nouveau succéder à Richard Nixon. C'est d'ailleurs encore un cas... Il ne sera pas réélu, lui. Enfin, non, il ne sera pas élu, même. Il ne sera pas élu, c'est-à-dire que c'est le seul cas où le président a été remplacé par quelqu'un d'autre qui n'avait pas été élu, puisque Gerald Ford n'avait pas été élu vice-président non plus. C'était un représentant qui siégeait à la Chambre des représentants, donc cela veut dire que il y a là encore un dysfonctionnement. Mais ce qui est gênant dans cette fin d'affaire, c'est que pour apaiser les esprits, Gerald Ford a accordé son pardon à Richard Nixon, c'est-à-dire que on a arrêté les poursuites et par conséquent, on n'a pas mené jusqu'à son terme l'enquête qui aurait permis de savoir ce qu'était exactement le scandale du Watergate. Oui. Et c'est, ça a laissé quand même un goût d'inachevé assez fort. Il y a eu beaucoup d'affaires qui par la suite ont pris ce suffixe gate. Hein. On a parlé de l'Iran Gate, du Monica Gate. Oui, du Billy Gates avec le frère de Jimmy Carter. Par exemple, etc. Oui, mais il y a toujours des gates. Hein. Oui. Au fond, ce qui fait le charme. Dès qu'une affaire politique tourne un peu au scandale, ça devient le gate. Voilà, le gate de quelque chose. Ce qui signifie quand même que cette affaire du Watergate a conservé une sorte de résonance très grande dans la société américaine jusqu'à nos jours. Bien sûr, parce que c'est au fond, encore une fois, un choc qui a été si profond que les Américains ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et bien sûr, la présidence en a beaucoup pâti, de même que tout le monde politique. Voilà, c'est ça, c'est Et aujourd'hui encore, ce que l'on peut dire, c'est que le prestige de la présidence n'est plus à la hauteur de ce qu'il était il y a 50 ans, par exemple, au temps de John Kennedy. Et cette présidence, elle a été définitivement écornée. De même, vous dites que l'ensemble du système politique, les partis politiques, par exemple, et pour cause, sont sortis affaiblis de cette affaire. Ça traduit aussi peut-être ça, une évolution plus profonde de la société. Le Watergate est arrivé au bon moment pour incarner un changement de direction politique, d'une certaine manière. Et en même temps, je crois que le Watergate, c'est un moment où tout ce qui est politique devient suspect. Non. C'est-à-dire que c'est le moment où la guerre du Vietnam se termine, mais elle se termine difficilement, elle se termine dans la douleur, non seulement pour les Vietnamiens, bien sûr, mais aussi pour les Américains, parce que n'oubliez pas qu'en avril 1975, c'est-à-dire 2 ans après les accords qui mettent fin à la guerre, les Américains s'en vont dans le désordre le plus total de Saïgon, qui devient Ho Chi Minh Ville. N'oubliez pas non plus que c'est aussi l'époque où l'on découvre que la CIA, que le FBI menaient des actions qui sont tout à fait illégales. Et c'est aussi l'époque où l'on remet en cause les interprétations sur l'assassinat du président Kennedy en se demandant si la CIA, si le FBI n'avaient pas leur part dans ce que l'on pourrait considérer quand même comme un mystère. Oui, et qui va ressurgir d'ailleurs avec une force incroyable dans les mois qui suivent, comme Exactement. Par hasard. C'est aussi peut-être l'occasion de clarifier un peu la vie politique, notamment le financement des partis. Il y a eu toute une législation qui en effet a suivi l'affaire du Watergate et qui a pour but de limiter la puissance de l'argent dans la vie politique. Mais alors là, il faut reconnaître que c'est un échec. C'est un échec parce que les lois ont été tournées et tout récemment encore, la Cour suprême a rendu des arrêts qui permettent des financements beaucoup plus abondants qu'auparavant. Ce qui veut dire que aujourd'hui, plus encore qu'hier, l'argent tient une place essentielle dans les campagnes électorales. Pour vous donner simplement une idée, en 2012... lorsque Barack Obama a été réélu, eh bien, l'ensemble des opérations électorales, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections locales, etc., tout ça, ça représente 6 ou 7 milliards de dollars. Autant dire que la législation qui a suivi le Watergate n'a pas eu de grands effets. C'est assez insuffisante. Merci beaucoup André Caspi. Je rappelle que la lumineuse synthèse que vous consacrez au Watergate est parue dans la célèbre collection La mémoire du siècle, hein, aux éditions Complexes. Donc 1972-1974, le Watergate d'André Caspi aux éditions Complexes. Merci beaucoup de nous avoir fait comprendre un peu mieux le phénomène qui se cache derrière l'événement. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sophie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Et Sophie se demande pourquoi le vert porte malheur, en tout cas au théâtre. Alors le vert, vous savez, il y a toute une histoire du vert. Hein. Il faudrait vous renvoyer aux ouvrages de Michel Pastoureau, qui a d'ailleurs écrit en 2013, qui a consacré au vert un volume entier. Ça s'appelle « Vert, histoire d'une couleur » et c'est aux éditions du Seuil. C'est une couleur qui a relativement mauvaise réputation en Occident. Ce vert, il est un peu la couleur de l'indécision, des choses pas toujours très nettes. C'est la couleur du jeu aussi. C'est pas un hasard, vous savez, si très souvent, pas toujours, de moins en moins souvent d'ailleurs maintenant, maintenant. Mais pendant longtemps, les tapis de cartes, les tapis de jeu étaient des tapis verts, comme leur nom l'indique. C'était la couleur aussi de tout ce qui concernait les loteries, etc. Au Moyen-Âge, le vert était associé à la verdeur, si je puis dire, c'est-à-dire au courage, à la jeunesse, etc. Ça, c'est une image directement naturaliste. Hein. La verdeur, eh bien, c'est comme la plante avec sa sève, n'est-ce pas? Quelqu'un d'un peu vert, c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait mûr, tout simplement. Pensez à Henri IV, qu'on appelle le vert galant, jusque dans une période très avancée de son âge. Alors, pour répondre à la question, parce que là, je tourne autour du pot, mais pour répondre à la question de Sophie sur la superstition en vigueur au théâtre, je pense que c'est lié en grande... Je dis je pense, parce qu'on n'en a pas de certitude de tout ça. C'est probablement lié à la couleur de l'habit que portaient autrefois les fous et les bouffons, vous savez. Et les comédiens ont eu sans doute tendance à se méfier de la confusion. C'est mon ami Boissier qui a beaucoup travaillé sur le travail Denis Boissier a travaillé sur le rôle des bouffons au XVIIe siècle et notamment sur la dimension de bouffon que pouvait avoir Molière lui-même. Molière s'habillait beaucoup en vert, les bouffons étaient toujours habillés en vert, etc. Et il est possible que les comédiens aient voulu se distinguer de cela probablement. Et puis le vert avait aussi la particularité d'être une couleur chimiquement instable et les comédiens qui portaient des costumes verts seraient morts, dit-on, à cause de l'oxyde de cuivre ou du cyanure qui servait à teindre, à fixer la couleur de ces vêtements. Ce serait aussi une des raisons pour lesquelles on n'utilisait pas le vert sur le théâtre. Mais, disons-le, tout ça relève essentiellement de la superstition et je suis assez fier de ma transition puisque l'émission qui arrive maintenant va nous parler de superstition.